long des blocs de la cité. Assis par terre, les yeux fermés, le temps d'une séance, grand écran. Il s'invente un monde bleu et blanc, un monde de vagues, d'écume et de vent. Dans ces chimères, il y a la mer, l'éclat d'un phare du bout de la terre. Sans camion, sans moteur, sans fumée, rien que du sable pour oublier. L'enfant assis dans l'escalier. C'est écrit sur son couteau le nom du bateau, plutôt dingo. C'est écrit sur son couteau le nom du bateau, plutôt dingo, plutôt dingo. Les deux pieds sur le maître bon, il jette ses filets dans l'eau. Ils ont l'odeur de l'eau. Et son cœur se gonfle de vent, comme le rêve brûlant d'un enfant. C'est écrit sur son couteau le nom du bateau, plutôt dingo. C'est écrit sur son couteau le nom du bateau, plutôt dingo, plutôt dingo. Il fait route voile sous le vent. Son sillage, soleil couchant, il pense à l'air du Verseau. Une larme glisse sur sa peau pour ceux qui sont restés là-haut. C'est écrit sur son couteau le nom du bateau, plutôt dingo. C'est écrit sur son couteau le nom du bateau, plutôt dingo, plutôt dingo. Merci.